à demander l'amour. Arrête de mendier l'amour. Je pensais que tu m'aimerais, que le temps pouvait jouer en ma faveur, que le temps pouvait compter. Erreur, erreur. J'ai tout donné de mes sentiments. J'ai attendu patiemment. Comme ça, tu ne voulais pas que je t'aime, qu'au fond de moi l'amour pour toi grandisse. Et de mon compte je débite. Je pensais à toi toute la journée, aujourd'hui encore. Je suis dans l'erreur. Je voulais que ton bonheur, que je fasse partie de tout ça. J'ai aimé tout ce que tu étais, ce que j'ai vu de toi. Ton passé même. Même ta douleur. Tu disais vaut mieux. Seul que de mal accompagné, mais seul égale douleur.